sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Bonjour, c'est Calypso Lemoine derrière le micro. Je suis animatrice de l'émission En aparté sur les ondes de CKRL 89.1 et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale dans le cadre du Radioton. Et là, qu'est-ce qui vous attend pour la prochaine heure? Eh bien, c'est une table ronde 50 ans de théâtre. Pourquoi 50 ans de théâtre? Eh bien, CKRL fête ses 50 ans. Je suis une passionnée de théâtre, alors je me suis dit pourquoi pas en faire une émission. Mais avant de commencer, je tenais à vous rappeler qu'il est toujours temps de faire un don à CKRL. Vous avez jusqu'à 20 heures pour participer à notre encan interactif et il y a plusieurs lots sur lesquels vous pouvez miser qui n'ont pas nécessairement encore de mise. Là. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour et sinon de faire une petite compétition avec la personne qui a déjà misé sur le lot que vous souhaitez avoir. Et là, sans plus attendre, eh bien, je suis accompagnée de trois fabuleux invités et je vais vous les présenter. Je suis avec Jean-Michel Giroir. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel, eh bien, pour ceux, celles qui ne te connaissent pas, tu es sorti du conservatoire en 2008. Tu as aussi joué dans plus d'une cinquantaine de productions et tu cumules aussi plusieurs années d'improvisateur et tu as le chapeau de vice-président de la section Québec de l'UDA. Exactement, tout ça en même temps. Et je suis aussi en compagnie de Marie-Ginette Gay. Bonjour. Marie-Ginette, t'as incarné plus de 100 rôles depuis le début de ta carrière. J'ai fait ça. Tu t'es aussi retrouvée autant à la télé qu'au grand écran, puis oui. T'es aussi professeure à temps perdu au Conservatoire d'art dramatique et de musique de Québec. Oui. Et tu as dirigé le Théâtre Périscope de 2003 à 2011. Absolument, ça a été un bonheur. Et ma troisième et dernière invitée est Hélène Blanchard. Bonjour. Bonjour. Hélène, tu es co-directrice artistique et générale de la compagnie Le Théâtre des Confettis, que tu as fondée avec deux autres personnes, avec Judith Savard et Réal Sasseville. Et Le Théâtre des Confettis a vu le jour en 1977. Et là, vous vous retrouvez dans une passation bientôt de flambeau après toutes ces années-là. Mm-hmm. Il faut quand même mentionner que votre compagnie... mais vraiment le théâtre jeune public de l'avant, les enfants, au cœur de votre pratique. Et tant qu'à avoir nommé le transfert de flambeau, on peut les nommer, c'est Maxime ici. Robin, Marianne Marceau, bien puis sûr. Frédéric ouais. Brunet. Voilà. Super. Ben, bonjour à vous trois. Un beau bonjour à tout le monde qui nous écoute. On les encourage à donner à CKRL. Oui. Et là, quand je me suis penchée sur le sujet de la table ronde 50 ans de théâtre, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Pas juste au niveau du théâtre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Et une des choses qui m'est venue en tête, c'est vraiment l'évolution de la technologie. Il y a énormément de choses qui ont changé. Et je me demandais à quel point tout ça avait eu un impact sur le milieu du théâtre. Qu'est-ce qui en était sorti de bon, de moins bon? Quels enjeux on peut voir avec les nouvelles technologies? Je ne sais pas si un ou une de vous veut se lancer par rapport à ça, si vous avez vu des changements à ce niveau-là. Ben, moi, je dirais, au-delà de la technologie, il y a eu aussi des changements dans la façon de faire du théâtre. Mm. Moi, je viens d'une époque où il y avait beaucoup de création collective. On a d'ailleurs créé pendant quelques années en création collective. On vient d'un courant. Bon, le metteur en scène, l'auteur, non. On va créer collectivement. Bon. Au bout d'un certain temps, on a reconnu l'importance et la pertinence d'avoir un auteur, un metteur en scène. Et bon, ça a changé. Ça a changé beaucoup. Et technologiquement, pour certaines compagnies, c'est sûr, pour nous, ça n'a pas changé au niveau de la technique. Il reste qu'il y a des projecteurs, qu'il y a de la musique. Mais on fait... De notre côté, mais sans doute qu'il y en a d'autres qui font ça autrement, on ne fait pas appel tant que ça à la technologie. Il reste que ce sont des gens sur scène devant des spectateurs. Mmh. Ça reste encore bien artisanal. Oui. Ben oui, c'est vrai. Notre métier est vraiment un métier d'artisan. On gosse les pièces, hein, comme on pourrait gosser le bois. C'est vraiment. Mais bien sûr, la technologie est présente dans beaucoup de théâtres. Oui, il y a des projecteurs, mais les projecteurs sont plus performants qu'ils étaient. On peut faire plus de choses avec. Il y a beaucoup de choses. Le langage technologique s'est développé beaucoup. Quand on pense à ça, on pense beaucoup à Robert Lepage, qui l'utilise abondamment. Mais dans tous les théâtres, la technologie est entrée et permet plein de choses, facilite plein de choses aussi. Mais ça reste que de faire du théâtre, c'est du monde sur une scène, puis du monde dans la salle, puis on raconte une histoire. Hein? Ouais. C'est ça. En dehors quand même du théâtre, on voit des projets numériques qui voient quand même le jour au niveau de comédiens et comédiennes qui décident de se lancer vers ces projets-là, la balado-diffusion également. Au niveau de l'UDA, puis tout ça, comment on s'adapte à tous ces changements-là? Parce que justement, avant, on se retrouvait vraiment avec des spectacles sur scène. Maintenant, on se retrouve avec des comédiens et comédiennes qui font des projets en ligne sur le web. C'est quand même différent. Bien, ça évolue, tu sais, la structure de ça évolue au même rythme que la chose elle-même. Ouais. Donc, tu parles de l'Union des artistes. Son but, ça va être d'accompagner puis de s'adapter selon les structures, les normes qui changent. Puis notamment, la balado, c'est de s'assurer que les artistes qui y participent sont toujours bien encadrés, bien rémunérés, bien structurés. Puis on l'a vu un peu, là, tu sais, dans les dernières années, les sur le web, puis si on pense aux géants qui font beaucoup d'audiovisuel, tu sais, avant que ça arrive, là, on pensait que les web-séries, c'était des genres de mini-courts-métrages, tu sais, des épisodes de 12 minutes, un peu faits, là, plus de façon artisanale. Puis le web, finalement, c'est devenu Netflix, Crave, Amazon, tout ça. Donc, l'idée, c'est juste de penser, et ça, c'est manifestement très difficile, 2-3 coups d'avance, juste pour pas que les artistes soient laissés de côté. Fait que le but, c'est ça le défi, c'est d'avancer au même rythme que les avancées, on dit, technologiques ou même techniques, tu sais. Puis on peut penser que, tu sais, Marie-Ginette, tu disais, le théâtre, ça reste des artistes qui racontent une histoire. Ouais. Ça n'a pas changé, mais le côté, on dit technologique, mais tu sais, technique, a aussi beaucoup évolué. Là, si on se ramène dans les années, là, plus de Molière, tout ça, il y avait des toiles peintes. Les décors, les toiles peintes ont été changées par plus de lumière, des projections. Oui, c'est ça. Mais, puis les plateformes aussi, les plateformes qu'on évoque, le web, puis tout ça, bien sûr, ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis aussi, ça reste un outil qui est très, très malléable, très facile d'accès. Mm-hmm. Avec ton téléphone, tu peux faire plein d'affaires. Fait que ça aussi, c'est vraiment... Mais là, on parle plus de théâtre, on parle de d'autres choses. Mais ça reste vraiment un lieu d'exploration vraiment intéressant, là. Puis le balado aussi, avec la pandémie, on s'est servi de ça, là, ça a été utile. Puis ça a permis aussi certaines explorations pour des comédiens. Puis là, je pense à Ariel Charest, qu'on a appris à connaître, que les gens ont connu davantage. Nous, on la connaissait déjà, Ariel, mais elle a été connue de beaucoup plus de monde grâce à ça, là. Puis c'est un peu à cause de la pandémie, elle a fait ça. Mais ça reste un outil qu'on intègre à une forme qui a pas, comme tu dis, c'est raconter une histoire. C'est la technologie, pour moi, demeure un outil dont tu peux te servir. Des fois, je trouve personnellement qu'il y a un peu d'abus. J'aime bien, moi, en tout cas, personnellement, j'aime bien la simplicité aussi. Il faut que ça soit très bien utilisé, je crois. Sinon, je trouve que le rapport entre le spectateur et la scène change. C'est plus la même chaleur. Mais c'est sûr qu'une expérience en salle ne pourra pas être remplacée par des œuvres numériques, mais on va chercher autre chose. Qu'avec la balado-diffusion, on va aller chercher un public qui est différent, qui va finir par venir en salle parce qu'il a entendu, exemple, des comédiens et comédiennes en ligne. Donc, C'est peut-être un outil, un complément à la pratique, mais effectivement, le sentiment, la chaleur qu'on retrouve dans une salle de spectacle ne peut pas se remplacer. Ouais. Puis c'est ce qui nous a manqué pendant la pandémie. Ouais. Je pense autant au public qu'aux comédiens, qu'à tous les artistes, artisans qui sont impliqués dans les arts vivants. Cette communication-là nous a manqué profondément. Là. Mm-hmm. Puis justement, parlons un peu des conditions de travail que vous avez en tant que comédien, comédienne, parce que justement, pendant la pandémie, ça a été plus difficile parce qu'on vous a catégorisé comme non essentiel. Oui, oui. Et ça a amené aussi des répercussions parce que vous avez été plusieurs, pas tous, mais à perdre des contrats, à ne plus pouvoir exercer votre métier. En 50 ans, les conditions de travail, est-ce que vous avez vu des différences? Est-ce que vous avez une sécurité d'emploi qui s'améliore avec le temps? Non. Ben non, en tout cas pour le théâtre, ça reste pareil. Là, ouais. T'sais, on travaille sur une production, le temps de la production et après c'est terminé. On n'est pas, il y a pas, ça n'existe pas les intermittents comme en France. Là, alors dans ce sens-là, les conditions sont les mêmes. Bien sûr, les cachets ont évolué. Une chance. Moi, je pense que mon premier cachet c'était 50$. Ok. Fait que c'est pas beaucoup, hein. Non. Mais ça m'arrive encore de jouer pour peu, là. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, ben oui, ça a évolué un peu les montants d'argent, mais reste que la forme est la même qu'elle était, là. Puis reste que quand tu fais du théâtre, peu importe quel art que tu pratiques, tu fais tout pour que ce soit beau, pour que ça rejoigne le public, mais tu sais jamais, il y a toujours un côté aléatoire. Un succès n'est jamais garanti, c'est jamais une garantie. Mm. Alors, tu dois composer avec ça. Il y a 40 ans ou maintenant, tu composes avec ça. Mm. Mais effectivement, les conditions financières, quand même, se sont améliorées. Ben oui, puis, tu sais, ben, l'Union, mais Jean-Michel, tu pourras en parler davantage que moi, là, mais il y a des choses qui sont encadrées. Absolument. De meilleure façon que ça l'était. Là, mm-hmm. Le métier s'est quand même professionnalisé beaucoup. Je sais pas, Jean-Michel, je te passe la POC. Oui, puis tu sais, ben je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu directement, mais tu sais, j'en ai entendu parler. Ben, mais oui. Au moment où avant, il y avait un système de paiement où c'était pas les heures de répétition étaient comme pas rémunérées, non. C'était tout inclus au moment de jouer. Donc les actrices se travaillaient pendant deux mois, mais étaient payés seulement là lorsqu'ils commençaient à jouer. Oui. Ça s'est changé pour que les heures de répétition soient payées. Et ensuite que les représentations le soient aussi. Ça aide ça, beaucoup, là. C'est parce que moins, il y avait vraiment deux mois sans entrée d'argent, parce que les répétitions, c'était à peu près deux mois, moins et demi, deux mois. Fait que ça, c'était quand même difficile, là. Oui, puis c'est... Puis à un moment donné, il y a eu un paiement à la demi de la représentation des répétitions. Puis après, maintenant, les répétitions sont payées. Puis c'est super technique, mais ça montre un peu quel genre de petit... avancements sont faits. Puis maintenant, bon, pour les répétitions, c'est quand même différents paiements, mais sinon, aux représentations, on est payé à la semaine, un peu, ou aux deux semaines, là, un peu comme des travailleurs plus standards, mais c'est des petites choses qui ont l'air simples, mais qui, des fois, font une différence. Ben, absolument, dans ton roulant de vie quotidienne, là, pour t'organiser. Faut être un peu des écureuils, hein? Oui. C'est ça. On est un peu... Des fois, on a les joues vides. Oui. D'autres fois, on a les joues un petit peu plus pleines. C'est oui. Ça. Puis, par rapport peut-être à l'éducation, à l'enseignement, Marie-Ginette, peut-être, oui. Est-ce que il y a eu des grands changements au niveau du conservatoire, au niveau du fonctionnement? Comment... est-ce que c'est la même manière que vous enseignez que tu as eu, toi, tes enseignements dans le passé? Oui, mais moi, j'ai fini mon conservatoire en 80. Alors c'était toute d'autres personnes qui enseignaient, mais qui ont enseigné encore longtemps après que je sois partie. Je te dirais que la philosophie de l'école est inspirée de tous ces gens-là qui sont passés par le conservatoire. Mmh. C'est une école qui privilégie beaucoup la création, bien sûr aussi l'interprétation, mais beaucoup la création. Alors je pense que l'esprit est à peu près est conservé, le travail continue à se faire dans ce sens-là. Bien sûr, il y a des changements avec les nouvelles personnes qui arrivent, ça continue d'enrichir, je dirais, là, ce qui se fait dans cette école-là. Mm. Mm. Puis on parlait tantôt des conditions de travail. Il y a un élément aussi qui est marquant par rapport à l'équité homme-femme. Il y a quand même quelques années, il y avait un couple de comédiens qui avait quand même comparé leur salaire pour un rôle similaire, puis il y avait une disparité. Il y a aussi le mouvement des femmes pour l'équité en théâtre qui soulignait ces inégalités-là en 2016. 2016, c'est pas si loin que ça quand même. En 50 ans, est-ce qu'on est à la même place encore aujourd'hui ou somme toute, on est dans une bonne lancée pour améliorer cet élément-là? J'aimerais dire que ça a avancé depuis 50 ans. Là. C'est sans doute pas terminé, mais déjà, comme tu le mentionnes, tu sais, ces groupes-là ou ces réflexions-là, on leur donne plus d'importance peut-être qu'avant. Je pense que les choses évoluent sans que ça soit nécessairement complètement terminé. Là. Puis tu sais, puis même au niveau, il y avait, je pense, une différence au niveau du cachet entre un homme et une femme, ça c'est une chose, mais il y a le fait aussi que, tu sais, le théâtre plus classique offre beaucoup plus de rôles pour les hommes, tout ça, il y avait toute une, j'allais dire, une bande de metteurs en scène qui était plus masculin. Aussi, oui, c'était au niveau des postes de pouvoir en général, dans les directions de théâtre, dans la scénographie. C'était vraiment une étude par rapport à tous les postes qui se retrouvent au milieu du théâtre. Là, donc on peut dire que maintenant, il y a une préoccupation dans tous les théâtres de la ville, je dirais, là, de vraiment avoir un équilibre entre la représentation des hommes et des femmes dans les conseils d'administration, dans les productions. Dans les postes clés. Dans les postes clés aussi. Fait que c'est une préoccupation qui est là. Est-ce que le but est atteint? Moi, je te dirais non. Mais la sensibilité est là, puis c'est plus qu'une sensibilité. Il y a des résultats concrets là où on voit beaucoup plus de femmes metteurs en scène, de femmes qui dirigent des théâtres, la parité sur scène aussi. On voit presque autant d'hommes que de femmes sur scène. Puis là, ben peut-être aussi, on va entrer dans la conversation maintenant, la diversité des genres, dont il faudra parler aussi. Mm-hmm. Fait que voilà. Mais il y a du mouvement, bien sûr. Oui, puis avec le mouvement aussi de dénonciation pour les agressions sexuelles, je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place aussi par rapport à des politiques contre le harcèlement. Mais c'est ça, c'est quand on a une certaine sensibilité, quand il se passe des choses aussi au niveau collectif, que le milieu, comme les autres milieux, peut enclencher des choses, des changements, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'au niveau de la diversité, sans doute qu'on n'est pas à la même place qu'il y a quelques années. Ben non. Comme la société, notre milieu avance là-dedans, doit réfléchir à ça aussi. Oui. Mais oui. C'est sûr que dans une ville comme Québec, quand on parle de diversité culturelle, c'est plus difficile si on voulait accéder à la diversité culturelle qu'à Montréal, par exemple. Oui, mais moi, je me rappelle que ça m'avait un peu... au départ, ça m'avait fâché. Je disais, pourquoi le Conserve de Québec, il y a moins de diversité culturelle? C'est vrai, ouais. Et j'avais entendu la comédienne Frédérique Bradet raconter quand même que quand tu es choisi, par exemple, à Québec, mais aussi dans des écoles à Montréal, puis que tu habites déjà Montréal, des fois, tu vas faire le choix même de choisir là, d'éviter un déménagement. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau du Québec qu'on est défavorisé par rapport à ça, pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui font quand même le choix de venir à Québec, mais cette diversité-là est comme moins accessible parce que des fois, les gens vont avoir le choix entre Québec et Montréal et vont choisir peut-être de rester dans les écoles à Montréal. Là. Après ça, il faut déjà avoir le luxe d'avoir été sélectionné dans d'autres écoles. Oui, c'est ça. C'est une sélection, vraiment, les gens qui accèdent sont vraiment triés sur le volet. Là. Oui. On le sait, c'est difficile d'entrer dans une école de théâtre. Oui, c'est ça. Puis à la base, le critère, c'est vraiment le talent, Absolument. Puis tout ça. Fait Mais je pense que nos écoles sont aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Mais on voit qu'il y a des choses qui changent. Oui. Absolument. Ben, on va aller à la pause publicitaire, un peu se rafraîchir les idées des lots où vous pouvez faire des dons, des mises. Et on se retrouve après pour poursuivre la conversation. T'es donc bien sage, toi. 50 ans de musique alternative. cantons de CKRL. Partenaire majeur de CKRL, la Korrigan crée des bières avec des méthodes artisanales. L'entreprise opère selon les principes du développement durable, tout en mettant en valeur les produits de nos artisans locaux. La mission de la Korrigan comporte également un volet social et culturel qui s'articule autour des valeurs d'ouverture, d'authenticité, de solidarité et de respect. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des airs de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Chaque Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Vous aimez la danse traditionnelle ou voulez vivre une expérience nouvelle? Le réseau des veillées de danse au Québec propose des soirées avec caleurs et musiciens dans différentes localités de la grande région de Québec. Découvrez ou redécouvrez les 7 carrés, quadrilles, contredanse, cotillons et valses en passant un moment intense entre amis ou en famille. Êtes-vous game d'essayer du nouveau? Accessible tout au long de l'année, ces soirées de danse folklorique se tiennent dans toutes les régions du Québec. Rendez-vous au veillées-danse.québec. Un projet du Conseil québécois du patrimoine vivant, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine forgé de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Et puisque nous sommes dans l'univers du théâtre, c'est à Troyes que nous allons pouvoir faire ce segment qui va mettre en avant les lots de l'Ancan. Il nous reste combien maintenant? 3 heures à peine, même, que dis-je, nous sommes 4 autour de la table, puisque elle n'est jamais bien loin de Jessica Leb, mais toujours un petit peu. Toujours un petit peu là. Alors c'est vrai que, tiens, je vais faire moi-même une petite transition. Tout le monde ne le sait pas nécessairement, mais tu as des origines d'Amérique latine, Amérique du Sud. On parle de café, ça va te parler un petit peu. Oui, j'aime bien le café surtout. C'est ça. Et justement, Louli, nous avons Barista qui nous propose un lot de dégustation et découverte de café. Et tu es allé voir et tu es allé creuser pour en savoir un petit peu plus sur ce que contenait ce coffret. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait 4 boîtes de dégustation, 2 boîtes espresso et 2 boîtes filtre, mais je voulais savoir quelle quantité de café il y avait dans chacune des boîtes. Eh oui! Donc, 6 sachets de café de 125 grammes par boîte. Nous avons 4 boîtes. C'est d'une valeur de 35 $ chacune de ces boîtes. Donc, un lot de 140 $ juste en café. Et on ajoute à ça 4 sucres aux couleurs du café Barista. Pour l'instant, c'est à 110 $. Très bien. Et c'est une valeur de 200 $. C'est le lot numéro 51. Est-ce qu'on passe au numéro 31? Oui. Le 31, qu'est-ce que c'est le 31? Est-ce que quand on est acteur, le yoga, ça peut apporter quelque chose? Oui, c'est essentiel pour toute la souplesse, ouais, la détente, mais je n'en fais pas. C'est bon. C'est l'occasion, justement. On sait déjà que tu vas miser sur le lot numéro 31, puisque Namasté offre un forfait de 5 séances de yoga. Namasté, c'est simple, c'est juste au-dessus de CKRL, sur la 3e avenue dans Limoilou. Le forfait de 5 séances vaut 90 $. La mise actuelle est de 45 $, c'est donc un moitié prix. Vas-tu miser dessus? Ben, bien sûr. C'est bon, c'est pris comme une mise, c'est noté. À vous, numéro de carte de crédit. Je tiens à dire qu'il y a 2 lots, donc si tu ne veux pas être seul pour faire du yoga, tu peux miser dessus avec une autre personne et puis 2 lots de yoga. Ah ben, je suis ouvert à rencontrer quelqu'un, hein, pour partager ce cours de yoga. Alors, Namasté, club de rencontre. Mastercard 40-41. On voit les détails hors d'onde, mais en tout cas, on note ça. On reparle d'autres lots dans une couple de secondes. Allô tout le monde, ici Sol Zanetti, député de Jean Lesage. C'est une grande fierté pour moi de savoir qu'ici, à Limoilou, on a ce trésor important. La première radio communautaire francophone au monde. CKRL, c'est 50 ans de vitrine pour nos communautés et nos artistes. Et c'est pour les aider à continuer de rayonner que je vous invite à participer en grand nombre au Radioton cette fin de semaine. Manquez pas ça! Ce message est une présentation de Sol Zenetti, députée de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Bonjour, ici Mara Tremblay. Je vous invite fortement à aider CKRL parce que CKRL nous aide. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est un honneur pour les artistes d'être diffusés et d'être aimés par tous ces gens qui font une radio exceptionnelle. Es-tu sorti du noir? As-tu tourné la page sur les histoires qui traînent dans tes bagages? Leur tournure bizarre. J'aimerais savoir si tu veux qu'on partage. De retour pour parler de ces lots d'encan et Loli, cette fois nous allons parler zen attitude avec notre partenaire Le Peignoir qui propose zen, en tout cas des certificats cadeaux pour profiter de soins esthétiques. Exactement, donc je vais demander à Jessica ce qu'elle a pensé de ce lot qu'elle a gagné l'année dernière. Oui, ça fait plusieurs années que je le gagne en fait et je salue Véronique, l'esthéticienne. Écoutez, j'ai même pris rendez-vous pour demain. J'ai pas encore gagné le lot, mais j'ai pris le soin jambes lourdes. Alors après un radioton bien rempli, j'irai me faire masser demain. Ça va être incroyable. Elle est gentille, Véronique. Elle est adorable. Elle te calme avant, quand même, elle t'accueille dans son local. Très bien. La détente quand on est acteur, c'est important, Jean-Michel. Oui. Je repose les questions. Mais peu y arrive, mais c'est important. Oui, c'est vrai que ça doit être un stress quand même. On n'imagine pas nécessairement, mais il y a une dose de stress dans le métier. Ah oui, puis la dose d'adrénaline, là, c'est fantastique. OK, des hauts, des bas, donc de l'émotion. Ouais. C'est ça. Si vous voulez simplement en profiter pour découvrir Véronique et ses soins esthétiques, c'est un lot qui vaut 100$. La mise actuelle est de 60$ et c'est le numéro 40 pour aller miser. C'est CKRL. Il y a deux lots. Hein. CA, c'est vrai. Moi, c'est ma stratégie. J'alterne entre les deux lots. Et j'ai envie de lancer Jean-Michel sur le lot de premier acte, hein, parce que c'est quand même le théâtre de la relève. C'est là qu'on présente ses premières créations, généralement, pour les acteurs, Jean-Michel. Oui, mais là, misez pas trop là-dessus. C'est pas cher, les billets, là. Non, mais c'est pas ça le but. Non, au contraire, oui, c'est là où moi-même, j'ai commencé. Mes premiers spectacles se sont faits à premier acte. C'est vraiment un lieu pour découvrir des nouveaux artistes, des paroles qui sont parfois un peu plus fortes, un peu plus assumées que dans d'autres théâtres qui vont prendre juste un petit peu moins de risques. Donc, des fois, c'est la folie de la jeunesse, là, c'est vraiment premier acte que ça se passe. Très bien. C'est un lot, cette fois-ci, le numéro combien pour premier acte? C'est le numéro 29 d'une valeur de 250$. C'est deux abonnements de 8 billets. Très bien. Rendez-vous est pris. Merci pour vos interventions. On revient, nous, d'ici 30 minutes. Et pour la suite, eh bien, c'est Calypso et tous les invités qui reviennent pour la suite de votre émission dont spéciale. Jean-Michel. Dont Jean-Michel. Effectivement, l'émission s'appelle 50 ans de théâtre et se poursuit entre 17h et 17h30. Le 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse des Jardins de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse des Jardins de Limoilou est fière de s'associer au Radioton des 50 ans de CKRL. Un événement radiophonique majeur et essentiel pour la croissance d'un média local de grande qualité pour notre communauté. La Caisse remercie ses 43 000 membres qui ont rendu possible le versement de près de 700 000 $ dans Limoilou en 2022 et qui bénéficient au développement des organismes culturels et sociaux tels que CKRL. Félicitations à tous les artisans et bénévoles qui contribuent au succès de la station et soyez généreux. Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. C'est toujours la table ronde 50 ans de théâtre sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis Calypso Lemoine et je suis en compagnie de trois super artistes, Jean-Michel Girouard, Hélène Blanchard et Marie-Ginette Gay. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire qu'on vient d'atteindre 41 370 $. Donc, on se rapproche de notre objectif de 50 000 $. Il reste encore quelques heures pour donner généreusement. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet de CKRL pour nous aider. Et là, pendant la pause publicitaire, on a continué un peu à discuter ensemble. Et un des sujets qui est venu quand même, c'est cette pénurie de main d'œuvre, parce que on la sent un peu partout, peu importe les domaines, et on le sent au niveau du théâtre, oui. Au niveau des rôles un peu plus techniques, administratifs. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, nous, on est une compagnie, le Théâtre des Compétences, c'est une compagnie de tournée. Donc, elle doit composer avec deux régisseurs à peu près le plus souvent, c'est deux régisseurs par spectacle. Donc, il y a une rotation incroyable parce qu'ils sont tellement sollicités qu'ils jouent dans plusieurs compagnies et ils vont faire un bout de tournée avec nous, un autre bout. Il y a vraiment une pénurie. On a même une régisseur cette année qui venait de Sherbrooke. Parce qu'on trouvait plus là, à Québec, tout le monde était... Notre responsable à la diffusion a parti un projet qui est... On travaille avec les autres compagnies en jeune public pour faire une espèce de mutualisation des ressources. C'est une très bonne idée. On a hâte qu'elle se mette en pratique avec les autres compagnies pour enfants, donc. Et, par exemple, si une compagnie a besoin d'un régisseur de telle période à telle période, on le prend, l'autre... Alors, pour la régisseur, ça lui donne donc une espèce de constance, une continuité. Ah, oui. Donc, d'une certaine façon aussi, elle connaît le spectacle, des conditions plus régulières, plus constantes. Moi, je pense que c'est le principal défi auquel on doit faire face, c'est le manque de ressources au niveau de la technique. Et même dans les salles, vous devez vous en apercevoir aussi. Ben, tu sais, nous, on était en tournée pour tout inclus. Puis l'année passée, il y a des salles. Puis c'est sûr qu'on ouvrait après la pandémie, là. Ben, il y a des salles qui devaient nous recevoir, qui n'ont pas pu nous recevoir par manque de techniciens. Ah oui. Quand même, ça a un effet... Mais c'est des suites de la pandémie aussi. Ça n'a pas aidé. Oui, parce qu'il y en a qui ont changé de métier. C'est ça. Ça reste, tantôt, on parlait de précarité dans ce milieu-là, ça reste aussi précaire pour les techniciens. Fait qu'il y a des gens qui ont envie d'aller vers quelque chose de plus garanti, de plus solide au niveau financier aussi, même si c'est des gens qui sont amoureux de leur métier tout autant. Il y a un sujet qui me semble assez tabou dans le domaine du théâtre, c'est la retraite. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense ou on souhaite justement ne pas trop y penser parce qu'on parlait un peu de conditions de travail tout à l'heure, c'est pas nécessairement l'idéal, il y a une certaine précarité. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous angoisse, cette question de retraite-là? Est-ce que vous y pensez? Puis est-ce que c'est possible d'avoir une retraite en tant que comédien, comédienne? Ben, je te dirais, moi, j'arrive dans ces eaux-là là, avec mon âge. C'est pas quelque chose que j'envisage pour mon métier. Tant que tu es en santé, tu peux exercer ton métier. Peut-être qu'il y a un rythme qui va être différent. Mais je pense que le problème se pose autrement. Le problème se pose, est-ce que on va continuer à penser à toi si tu avances en âge? Le problème, il se pose plus comme ça que tu vas prendre ta retraite. Parce que ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on a besoin de tous les âges. Parce qu'on incarne tous les âges, on parle de la vie. Alors, puis on travaille, c'est un travail multigénérationnel toujours. Et c'est ça qui est formidable. Mais ce qui arrive parfois, c'est que on peut peut-être t'oublier. Puis ben pour les femmes c'est un peu plus difficile de vieillir devant une caméra ou sur la scène. Au théâtre c'est moins pire, mais bon, il y a quand même cette particularité là. Moi je suis chanceuse, ça va très bien, je travaille beaucoup. Je remercie la vie de ça, c'est vraiment formidable, j'en profite, mais tu sais ça peut arrêter demain matin aussi. Ça fait partie de nos conditions de travail. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui se pose comme question vraiment la retraite. Et comme je dis, c'est plutôt est-ce qu'on va continuer à se souvenir de toi? Voilà. Ouais. Puis toi, Hélène, parce que tu passes le flambeau. Je passe le flambeau. Parce que quand tu es responsable d'une compagnie aussi, il y a un lot de responsabilités qui va avec ça et que j'ai plus envie d'assumer. Ces responsabilités-là appartiennent à un autre âge. Donc, dans ce cas-ci, à Maxime, Marianne et Frédéric. On a travaillé fort. Pendant ces 46 ans-là, on a travaillé fort, beaucoup. Puis je suis enchantée que, parce que quand tu fondes une compagnie, que tu la laisses, c'est un legs aussi. Tu sais, c'est un système de valeurs que tu donnes à des individus en qui tu crois. Et là, je pars comme, mais je pars, je vais rester encore un peu. mais je pars en toute sereine et contente. Et c'est sûr que, puis ils me le demandent, puis ils me le disent, je sais pas ce que, oh Hélène, tu vas rester, hein, on va pouvoir te voir de temps en temps, hein, tu vas venir, hein, tu vas, bon, c'est très gentil et très, peut-être que je vais en avoir le goût, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir leur totalement leur compagnie, leur projet. Et voilà, mais je pense que je pourrai jamais, je vais être encore une spectatrice assidue au théâtre. Je sais pas, tu sais, je vais peut-être être interpellée pour certains projets, mais pour le moment, c'est clair que je ne veux plus travailler à temps plein. mais j'ai déjà commencé à alléger mon horaire, si on veut. Mais moi, je trouve ça formidable. Je te dis bravo, Hélène, de pérenniser l'organisation que vous avez montée, vous trois, Judith, Réal et toi. Vous avez monté une compagnie formidable qui est vraiment bien implantée à Québec. Puis c'est important que toutes les compagnies puissent être pérennes. Donc, tu sais, passer le flambeau des valeurs. Et puis tout ça, là, c'est vraiment formidable. Bravo pour tout ce que vous avez fait, là. Bien, c'est parce qu'on a rencontré ce que vous faites aussi, les là. Bonnes personnes. Oui, puis c'est ça, il faut rencontrer les bonnes personnes. Oui. C'est du travail, tu sais, c'est beaucoup de travail de prospection que vous avez fait, pas j'imagine. C'est eux ou c'est... Tu sais, on n'a pas fait un travail de prospection, c'est venu naturellement. Parce que vous êtes attirant. Oui. dis merci. Ouais. Mais parlons un peu du théâtre jeunesse, du théâtre pour tout petit aussi, parce que théâtre pour les tout petits, est-ce qu'il y en avait beaucoup il y a 50 ans? Non. Bon, théâtre pour tout petit, nous on fait jusqu'à peu près 12 ans, après, il y a quelques années, comme les Incomplètes ont fait à Québec, on a voulu s'adresser aux tout petit. Mais il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et moi-même, il y a à peu près 15-20 ans, j'y croyais difficilement. Jusqu'à ce que je vois par des compagnies françaises le résultat. Mais il faut faire attention aussi, ça prend beaucoup de délicatesse, beaucoup, beaucoup. Notre premier spectacle, on l'a fait avec une créatrice qu'on aime beaucoup, extraordinaire, qui a travaillé avec cette délicatesse-là, qui s'appelle Véronique Côté. Parce que c'est pas, faut faire attention parce que ces petits-là, faut y aller avec poésie, avec délicatesse, parce que c'est ils peuvent pas dire comme les plus vieux, parce que il y a toutes différentes façons de s'adresser aux petits. Il y a la musique, il y a la danse aussi qui ont essayé des choses fort intéressantes, mais c'est parce que c'est devenu à un moment donné un courant et c'est pas tout le monde qui avait la délicatesse nécessaire pour aborder ce courant-là. Et aussi, mais il y a c'est un travail qui est difficile quand même, parce que tu peux pas jouer pour les tout-petits. J'entends les tout-petits, c'est-à-dire les jusqu'à 4 ans, 3-4 ans. Tu peux pas travailler dans des grandes salles avec 300 spectateurs. Ça demande des petites jauges. Les diffuseurs, les programmateurs ont des réserves financières à engager un spectacle où tu as 100, 120 spectateurs, mais des fois moins, 60. Donc, c'est un travail de défrichement, même encore après 10 ans. Mm. Ouais. Et quand, au niveau du grand public, des fois, on associe la réussite d'un comédien-comédienne à si on va le voir à la télévision ou on va le voir au grand écran. Vous, est-ce que vous pensez que c'est un passage obligé de se retrouver derrière cet écran-là? Ben, je pense qu'au final, c'est surtout un choix. Mm. Puis, tu sais, moi, ça me rappelle rapidement un comédien, tu sais, super important ici à Québec, Hugues Frenette. Puis Hugues, quand on lui parle, puis qu'il se met à nous raconter des histoires, on se rend compte que Hugues a refusé mains et mains rôles à la télévision pour prioriser des spectacles de théâtre. Il se ramassait à pas être disponible, puis ses choix, il faisait ses choix en conséquence de ce que lui avait envie. Donc, il y avait plus envie de jouer au théâtre qu'à la télé. Puis je trouve que ça nous ramène à... C'est une question de choix. Et après ça, inévitablement, des fois, le choix, il peut être coloré par le besoin financier, par l'envie d'essayer autre chose aussi, là. Des fois, c'est pas un désaveu par rapport au théâtre que de vouloir aller à la télévision. C'est comme aussi une autre façon de pratiquer notre art. Donc, je pense pas que c'est un passage obligé, mais c'est vrai qu'au niveau de la population en général, les gens te reconnaissent dans le sens, pas nécessairement juste je te dis salut dans la rue, mais c'est vrai que tu, dans les yeux de l'autre, avec un grand L apostrophe A, tu existes. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une sensation qui, des fois dans notre métier, avec les hauts, les bas, de sentir être un acteur, une actrice, mm-hmm. c'est vrai que ça calme les autres angoisses qui sont liées à se dire est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on va continuer à travailler, l'insécurité, est-ce que... oui c'est ça, ça. Donc d'avoir beaucoup de gens qui se disent ah oui, Jean-Michel c'est un acteur, ouais, ça nourrit ce besoin d'être reconnu, oui. pour le métier que t'exerces, ouais. et que t'aimes, là, parce que c'est sûr que tu sais, au théâtre c'est plus confidentiel, hein, tu sais, une salle de 200-500 personnes, mettons qu'on joue 20 fois, on n'a pas atteint tant de monde que ça. Mm-hmm. Là, hein? Tandis qu'à la télévision, ben, tu peux rejoindre 1 million de personnes en un soir. Mm. C'est pas la même chose. Hein? Mm-hmm. Fait que. Puis au fond, voilà. Nous, je pense qu'on a. Tu sais, quand on est interprète ou même auteur ou metteur en scène, quand on est artiste, le but, c'est de parler aux gens. Ben, donc, oui. De pouvoir parler à autant de gens. À beaucoup de monde gens. En même temps, c'est formidable. Oui, puis c'est comme, ça. Comme tu soulevais aussi, Jean-Michel, d'explorer plusieurs outils de travail, tu sais, autant la caméra pour la télévision, le cinéma, le web, faire des balados, faire de la narration, être sur scène. Toutes ces facettes-là du métier sont formidablement intéressantes. Mm. Hein? Et puis, c'est exercer notre métier. Ouais. Et c'est ça qu'on veut faire. Mais c'est sûr que les retombées de certaines plateformes sont plus, sont plus fortes, entre guillemets, là, mm. t'sais, parce que tu peux aussi bien aussi rencontrer des gens qui vont dire, ben, je t'ai vu dans telle pièce, puis je m'en souviens encore, puis mm-hmm. ça fait 15 ans. Ouais. T'sais, ouais. Ça arrive, là, t'sais, mm-hmm. c'est formidable, là. Ouais. T'sais, mais la ville c'est cet Québec. Échange-là qu'on veut. Mm-hmm. La ville de Québec est une ville de théâtre. Ah oui. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Mm-hmm. Et là, on a adressé le passé, le présent. J'ai envie qu'on parle un peu du futur. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 50 prochaines années à votre milieu, au domaine du théâtre? Puis comment vous envisagez aussi le rôle de la relève? Est-ce que vous avez confiance en ces jeunes qui sortent de l'école? Absolument. Confiance absolue en toute cette jeunesse qui sort des écoles, tout ce qu'ils font, ils font vraiment plein de choses. Très créatifs. Oui, absolument, absolument. Et ils sont, il y en a beaucoup aussi, pas tous, mais il y en a beaucoup et c'est intéressant, ils sont multidoués. Ce que j'appelle les multidoués. Oui, c'est vrai. Ils sont capables d'exercer, Jean-Michel, écrit, joue. Oui. Est-ce que tu fais autre chose? C'est comme les grands pôles, mais oui, écrire, ouais, jouer, puis tu sais, jouer, c'est ça, faire de la voix, de la publicité. Oui, absolument, c'est ça. Partout. Au niveau de l'impro aussi, quand même. Ben, tu travailles à l'UDA aussi, là, fait que tu fais plein de choses, plein de Oui, mais les jeunes particulièrement, là, moi, ça m'épate. Ils sont très aussi inventifs, c'est-à-dire quand on parlait au tout début des nouvelles technologies, ils sont très attentifs à ce qui se fait de ce côté-là et à comment ils pourraient s'intégrer dans cette nouvelle pratique-là aussi. Mm-hmm. Puis, l'art, c'est une des ressources qui est absolument renouvelable. Donc, tu sais, des fois, les jeunes sont... C'est pas nécessairement une question de talent, ou c'est que les nouveaux artistes, la relève, les jeunes vont être au diapason de leur génération, de leur temps. Puis c'est comme une roue qui tourne perpétuellement. Donc, évidemment que moi aussi, j'ai l'espoir puis l'avenir est beau parce que les gens vont continuer à parler à leurs semblables de la façon dont ils s'expriment. Puis c'est ça qui va faire l'évolution et puis qui va opérer des micro-changements qu'on verra pas nécessairement apparaître, mais qui, si on se rassoit dans 50 ans, on pourra dire « Ah, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est apparu. » Oui, puis il y a des lieux qui naissent. Si on pense à la charpente des fauves, c'est nouveau depuis quelques années. Ça permet à des gens d'avoir un lieu pour créer. Il y a plein de choses. Puis il y a des choses, je suis sûr, qu'on connaît pas, là, qui se font comme ça, un peu de façon souterraine, mais qui viennent pousser dans le dos de tout le monde. Oui, puis même aujourd'hui, maintenant, je veux dire, eux autres aussi, c'est le futur. Je pense à certaines compagnies, des jeunes compagnies qui sont pleines, qui nous donnent beaucoup d'espoir, et plus spécialement en jeune public, puis c'est pas... les incomplètes, ils en ont encore pour 30 ans à créer. Mais c'est sûr qu'en jeune public, je dois dire que la relève, c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait Maxime Marianne, elle est plus, je ne dirais pas plus timide, mais il y a moins de compagnies de la relève en jeune public qu'en théâtre pour adultes, où il y en a qui vont faire les deux. Je crois que ça va être une possibilité. Mais tu vois, ça, moi, je pense que c'est une préoccupation que doit avoir le conservatoire dans sa formation, de parler davantage du jeune public. C'est quelque chose dont on parlait, les profs ensemble. C'est une sensibilité qu'on a, puis je pense qu'il devrait y avoir davantage d'échanges avec tout ce qui se fait avec le jeune public et le conservatoire. Ouais, parce que l'intérêt est là, tu sais. Oui, tout à fait. Oui. Puis en quelques mots pour conclure, qu'est-ce qui vous motive à continuer à œuvrer dans votre milieu? Qu'est-ce qui vous aimez du théâtre? L'amour. Le plaisir. Oh là là! Punch plus haut, là, Jean-Michel. Tout ça ensemble. Et l'espoir aussi, dans le sens où ce qu'on fait, de se raconter des histoires, se raconter nous-mêmes, c'est important, puis ça nous permet des fois de dans un monde où des fois c'est difficile de trouver un sens ou de trouver même un futur éloigné, ben je crois que de se raconter, ça va nous permettre continuer d'aller plus loin. De se raconter, de se rencontrer. Rencontrer. C'est vraiment toute seule, toute la magie du théâtre qui fait que c'est peut-être qu'on n'a pas été classé essentiel, mais on est si nécessaire. Oui. Puis l'IA pourra jamais faire ça, mettre des êtres humains ensemble. C'est sûr que ChatGPT arrivera jamais à créer cette connexion-là. Non. Donc, à quelque part, on a besoin de ça. Oui, absolument, absolument. Ben merci beaucoup à vous trois, Hélène Blanchard, Jean-Michel Girouard et Marie-Ginette Gué, d'avoir été avec moi. Vous nous avez fait rêver au théâtre de demain, puis aussi vous nous avez fait comprendre certaines choses, certains enjeux qui occupent votre milieu. Puis effectivement, vous n'êtes pas non essentiel, au contraire. Vraiment, il y a des choses qui sont irremplaçables et des expériences qu'on peut uniquement vivre en étant spectateur, spectatrice des spectacles. Et là, je rappelle qu'on est à 41 370 $. Il reste quelques heures pour donner généreusement. Donc, allez-y, on veut atteindre notre 50 000 $. Oui, 50, exact. 50. Et là, je passe le flambeau à l'émission Racine musicale qui réchauffe la clôture avec Étienne Parent-Lebourdet. Donc, restez sur les ondes de CKRL 89.1. CKRL 89.1, 50 ans de culture.